Chapitre 46. Ma petite Marie, on l'a ramenée jouer. Elle regarde la foule par la portière du fiacre et ne pense déjà plus à ce monsieur. Peut-être aurais-je encore le temps d'écrire quelques pages pour elle, afin qu'elle les lise un jour, et qu'elle pleure dans 15 ans pour aujourd'hui. Oui, il faut qu'elle sache pour moi mon histoire et pourquoi le nom que je lui laisse est sanglant.